bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Ho, ho, ho! Bienvenue au Lobster 115.0. Allô, allô! Bienvenue dans mon lobster du congé des fêtes et de jour de l'an, qui pour moi est un lobster de confinement. Et oui, le COVID est rentré dans ma maison! You're not singing the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, You are Cookie Monster. Cookie Monster isn't the letter of the alphabet. It goes Q-R-S-T-U-B. You're just teasing me. W-X-Y-N-Z. Now I know my ABCs. Next time, Cookie Monster. Next time, Cookie Monster can do it with you. I'm leaving. I love you. I love you too. Thanks. Et oui, Cookie Monster est entré dans ma maison. Un peu avant Noël, mon plus vieux garçon avait été en contact avec un collègue de travail qui lui avait été testé positif. On était donc allé le faire tester et résultat négatif pour le test PCR. Mais quelques jours plus tard, il y avait de la toux et un bon mal de tête. Et sa maman, qui avait réussi à avoir des tests rapides, est venue pour le retester vu que les symptômes étaient maintenant présents. On l'a donc testé le 23 décembre pour savoir s'il pouvait aller chez ses grands-parents. Et résultat positif sur le test rapide, il avait la COVID. Donc, il reste avec moi. Et mon plus jeune garçon est allé chez sa maman pour ne pas être contaminé. J'ai donc été en isolement une dizaine de jours. Moi, je n'ai eu aucun symptôme. Et mon garçon, après environ 4 jours, ses symptômes ont disparu. Il y a eu des mal de tête et de la toux. Et tout est disparu après quelques jours sans autre effet. Bon, et qu'est-ce qu'on a fait en confinement? Ben, pas grand-chose. En fait, oui, on fait des choses qu'on aime et qui demandent du temps. C'est souvent durant ces longs congés que moi et mes gars, on se met à jouer à des jeux ensemble. Et là, on s'est démarré une partie de Conan Exile. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu qui est disponible sur PC. Moi, je nous ai loué un serveur en ligne pour jouer dessus et on s'amuse. Conan Exile, c'est un jeu un peu de survie qui est assez poussé. Tu débutes nu, un peu comme dans Survivor. Tu débutes avec rien sur un immense continent et tu essaies de survivre. On s'est donc rejoint les trois pour se bâtir une maison dans le jeu et se défendre des monstres. Dans ce jeu-là, ben, tout est à construire. On s'est fait une armurerie pour s'équiper, une écurie pour avoir des chevaux, on s'est fait un foyer pour cuire notre viande, un atelier de tanneur pour les peaux. Donc, vous voyez un peu le genre de choses qu'il faut faire. Mais dans ce jeu-là, tout est à faire. Si tu veux un cheval, ben, tu ne dois pas juste avoir une écurie. Tu dois aussi trouver une zone où il y a des bébés chevaux et les élever dans ton écurie, ce qui est très long. Même chose pour les armes, il n'y a rien de tout cuit dans le bec. Tu dois trouver toutes les ressources pour faire des armes. Donc, si tu veux une épée en fer, eh bien, il faut que tu trouves du fer, il faut que tu le fasses fondre dans un four, il faut que tu le transformes en lingots. Aussi, dans ce jeu, tu peux avoir des esclaves pour t'aider dans tes ateliers. Donc, il y a tout un système pour en avoir. Tu dois aller les kidnapper et bien sûr, avant, le choisir car ils n'ont pas tous les mêmes métiers. Une autre chose qui est le fun dans ce jeu-là, c'est la purge. Il y a comme une barre de purge qu'on peut voir dans le jeu. Et plus le temps avance, et plus cette barre, elle, monte. Et à un moment donné, on a reçu un message du genre « Votre base a été découverte ». Donc, à partir de là, à tout moment, il y a un groupe de monstres qui peut venir nous attaquer, qui peut venir attaquer notre base. Et on doit se défendre sous peine, je crois, de destruction de nos affaires. Donc, la purge a fini par nous frapper. À ce moment-là, moi et un de mes gars, on s'était fait une deuxième base dans un genre d'oasis qui était à 10 minutes de notre première base où mon autre garçon restait. Et là, on a reçu le message que la purge frapperait la première base dans 10 minutes. Donc, on s'est équipé en vitesse dans nos coffres, on a pris nos potions de guérison et on a couru à l'autre base car à ce moment, on n'avait pas encore nos chevaux. On est arrivé environ 40 secondes avant la fin du décompte. Et c'est là qu'on a vu au loin arriver un long convoi de monstres qui se dirigeait vers notre base. C'était la purge qui arrivait. Bien sûr, on les a tous tués. Il y avait environ 8 monstres. Ça nous a pris 5 minutes à en venir à bout. Et on était super contents d'avoir survécu. Mais on a reçu à ce moment un autre message qui disait « Deuxième vague de la purge en approche ». Oh oh! Ensuite, après s'être occupé de la deuxième vague, troisième vague est arrivée. Oh oh! Bien, je sais pas combien de vagues on a eu. C'était un peu l'enfer. Moi, je suis mauvais en plus à ce genre de jeu. Je suis toujours celui qui a le moins de niveau dans le groupe. Je suis celui qui meurt tout le temps, qui a pas le bon équipement. Bref, moi, je mourrais. Mais heureusement, mes gars, eux, ont réussi à passer au travers des vagues sans mourir. On riait car souvent, ils demandaient « Papa, il est où? » Et je répondais dans Discord « Je suis accroché après une paroi, je vais me guérir un peu. » Bon, oui, je suis pas aussi bon qu'eux, mais crème qu'on s'amuse. Outre la purge et toutes les choses à faire pour se bâtir un endroit safe pour survivre, il y a aussi des donjons à faire qui sont pas mal difficiles, Souvent, on rebrousse chemin à la moitié, car c'est trop difficile. Et une des particularités de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de mission. Non, zéro mission, tu fais ce que tu veux. Si tu veux t'amuser à trouver des plantes rares pour teindre tes armures, tu fais ça. Moi, je m'amuse en ce moment à construire des enclos à animaux dans lesquels on élève des monstres. Et ensuite, on peut les amener avec nous en mission. Le jeu est immense, il y a plein de choses à faire. Et avec notre serveur loué, qui a coûté environ 37$ US pour 3 mois, on a ajusté deux paramètres. On a 1,5 fois plus de ressources quand on les récolte et ils spawnent deux fois plus vite. On a fait ça pour accélérer un petit peu. Ce mini ajustement, il débalance évidemment pas vraiment le jeu. Ça prend quand même 20 minutes avant qu'une ressource se refasse. Et le 1,5 fois, c'est juste le petit bonus qui nous aide à aller plus vite. Car il y a beaucoup de choses qui demandent bien du temps dans le jeu là. Bref, Conan Exile, un jeu de fun si vous cherchez un jeu de bataille et de construction qui se joue à plusieurs. Hey, toi, le jeune ou le moins jeune qui écoute le Lobster 115.0, savais-tu qu'un de nos commanditaires a quelque chose à t'offrir? Eh oui, si tu as une petite fringale d'après-midi ou une insomnie d'estomac, en utilisant le code promo Oreo Lobster sur le site oreo.com, tu peux obtenir gratuitement une boîte des nouveaux Oreo à saveur de foie de canard. En plus d'être délicieux, qu'ils sont délicieux. Ils sont maintenant protéinés. Qu'ils sont protéinés. Écoutons Hugo Girard, l'homme fort du Québec, nous en dire plus. Ça se prête plus à ça parce que les gens peuvent se baigner, peuvent prendre un cocktail, prendre un petit verre, puis pendant ce temps-là, bien, tu peux faire à manger. Il y en a qui peuvent t'aider. Et par la suite, bien, la partie le fun, faire cuire la viande. chaque biscuit Oreo à saveur de canard contient 10 g de protéines de canard. C'est donc à dire que dans chaque boîte d'Oreo à saveur de canard, elle contient l'équivalent en protéines d'un bébé canard ou d'un canard naine. Écoutons Arnold Schwarzenegger, l'homme fort de la Californie, nous en dire plus. To be number one, I always wanted to get to the top. I never believed in just getting by. Now, I have nothing against people that just want to get by, because I think there are many roads to happiness, but I think that we all here like to be successful and we are driven. So that's why those rules apply to you. Pour une collation saine à base de canard élevée dans les prés verdoyants de l'usine Oreo en Espagne, utilisez le code Oreo Lobster sur le site oreo.com. Quand c'est Oreo, c'est délicieux. C'est délicieux. Bon, de retour au Lobster 115.0. Est-ce que vous avez profité du temps des fêtes pour écouter la saison 2 de The Witcher? Moi oui, et j'ai bien aimé. Si vous ne l'avez pas encore écouté, ben c'est une bonne série. Dans cette saison 2, ça tourne pas mal autour de la jeune princesse Ciri. Ça s'écoute comme on déguste du bonbon patate. C'est très bon et sucré. Donc j'espère que vous avez cette série de planifier dans votre agenda de Netflix. Dans les premiers épisodes, pour sa sécurité, Gérald la ramène dans l'endroit où sa gang de sorceleurs se cache pour l'hiver. Et là, elle va s'entraîner. C'est pas mal. Il y a des gros monstres à battre dans pas mal chaque épisode. Cette série est vraiment bien, elle vaut le détour. Je dois l'avouer, elle est un peu meilleure que La Roue du Temps avec Rand, le livreur de laine. Bon, petit update sur La Roue du Temps. Les livres sont tellement bons, je suis rendu au 5e en ce moment. Je lis tard et des fois je me réveille même la nuit et je recommence à lire. Bref, en livre, c'est vraiment bon à lire. Et je me suis rendu compte que des fois, je vois des erreurs dans la série où il n'y en a pas. Bon, il y a eu l'affaire de la laine dont je ne reparlerai pas, mais j'avais aussi remarqué qu'il y avait comme une nouvelle couleur de Aja. En gros, les couleurs, c'est les couleurs des Aes Sedai. Il y a des magiciennes rouges qui, eux, n'aiment pas les hommes, il y a les vertes qui les adorent, il y a les noirs qui sont les méchantes, etc. Et là, j'avais vu dans la série télé qu'il y avait une nouvelle couleur, les blanches. Je me suis dit, bon, ils ont dû changer les jaunes pour mettre du blanc, c'est un détail. Mais dans le livre 5, où je suis rendu à lire, il y a un moment donné, ils nous redonnent toutes les couleurs et je me suis rendu compte qu'il y avait 7 couleurs, dont le blanc. Mais bon, on ne parle pas vraiment de 7 couleurs dans les livres, donc c'est pour ça que j'avais oublié 7 couleurs. Et aussi parce que des fois, je fais de la lecture rapide. Comme j'ai déjà lu cette série 2 fois, au moins je la relis un peu en vitesse. Donc, il y a des fois où je saute des paragraphes quand je m'en souviens trop. Ça me permet de lire pas mal vite. Et dans les bouts que j'ai oubliés, ben, je ralentis et je ne saute rien. Bon, maintenant, changement de sujet. Assez rejasé de La Roue du Temps. Maintenant, pour la suite, j'avais trouvé sur un site belge une liste de sujets que vous pouviez utiliser dans vos parties à venir pour éviter de parler de COVID. Mais bon, on est le 30 décembre quand j'enregistre ce bout de Lobster et le premier ministre Legault annonce le retour du couvre-feu, plus le droit de se réunir en dehors de notre bulle. Les commerces vont aussi fermer le dimanche, etc., etc. Bref, ma liste servira pas bien. Mais comme c'est comique un peu, je pense qu'on va la regarder quand même. C'est le site de la radio-télévision belge qui proposait 30 sujets drôles pour éviter de parler de la COVID. Bon, petit détail avant de commencer. J'avais effectivement écrit ça le 30 décembre, mais on est rendu le 10 janvier au moment où je me relis et que j'enregistre. Car durant les vacances, j'ai vraiment pris une pause de Lobster. Là, j'occupe mes week-ends complets à travailler sur une nouvelle toile pop art où on voit Mickey qui fait comme ouvrir un mur rempli de graffiti et où se trouve la fille au ballon de Bensky. Bref, comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours beaucoup de projets en cours et ça m'oblige à devoir choisir. J'adore le Lobster, il n'arrêtera pas, mais il va sortir comme ça avec des intervalles plus ou moins longs. Une autre chose qui a pris beaucoup de mon temps, c'est mon projet d'art gratuit avec ma ville pour le 350e de l'île Perrault. Bon, je me suis engagé à produire 100 sculptures qu'on va relâcher gratuitement dans la nature pour que les gens les trouvent et les gardent. Et donc, petit update, durant le long congé des fêtes, j'en ai fait beaucoup. Je suis rendu à 63, donc ça avance bien, je devrais terminer bientôt. Donc, voilà pour ça. Donc, si on retourne au sujet COVID, au sujet pour éviter de parler de COVID que vous pouvez utiliser lors de vos parties. Le premier sujet qu'on peut lire dans cet article, c'était celui-ci. Ils nous disent de parler de l'apophatodiaphylatophobie, qui est la peur d'être constipé. Déjà là, juste de retenir et de prononcer le mot apophatodiaphylatophobie, c'est pas évident. Mais je vois pas bien ce qu'on pourrait dire à ce sujet. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas trop de peur d'être constipé. Si jamais on a des lobsters qui ont cette peur, j'aimerais le savoir. Comme vous m'écrivez jamais, j'aurais vraiment surpris de recevoir un message du style « Allô, moi c'est John Doe et j'ai l'apophatodiaphylatophobie. » Mais promis, je ferai un lobster spécial sur ce sujet si jamais on m'écrit. Donc, passons au sujet 2. Un autre sujet qu'on peut discuter pour éviter de parler de COVID serait Adam Rainer est le seul homme à avoir été catégorisé nain et géant dans sa vie. À 21 ans, il mesurait 1,18 m et à 32 ans, il arrivait à 2,18 m et à sa mort, il atteignait 2,34 m. Pour la petite explication, il souffrait d'une tumeur de l'hypophyse qui perturbait ses hormones. Ici, je pense que sans avoir vu le reste du sujet, ce serait probablement un de mes sujets favoris. Parler de nains, ça rend toujours heureux. Justement, cette semaine, j'ai eu une idée folle. J'étais parti marcher dehors, je faisais comme un mini-tour de 20 minutes dans mon coin en écoutant de la musique, puis je me suis demandé, et si le virus du COVID mutait encore et qu'une de ces mutations avait comme effet secondaire de nous faire rapetisser? À quoi ça ressemblerait? Imaginez, tous ceux qui attrapent la COVID deviennent des nains. Ça rendrait la pandémie tellement comique et plus le fun. Donc, tout devient comique. Imaginez-vous un match du Canadien. Tous les joueurs sont rendus des nains parce que quand on regarde ça à la télé, ils sont tous en protocole COVID. Donc, le gardien de but n'est même pas capable de toucher le haut du but qu'il défend. Chaque fois que l'arbitre siffle une punition, ça rirait au Centre Bell. Car oui, un nain qui se rend au banc des punitions et essaie d'embarquer dessus, c'est sûrement drôle. Sinon, imaginez votre série de télé préférée. Je sais pas moi, Master Chief avec Gordon Ramsay. À la moitié de la saison, durant le tournage, Gordon attrape la COVID et rapetisse de moitié. Donc, je pense qu'il perdrait un peu de sa prestance. Il pourrait plus se fâcher dans Hell's Kitchen parce qu'un nain fâché, ça fait pas trop sérieux. Ça deviendrait une comédie. Ou sinon, juste le bulletin de nouvelles avec Patrice Roy à Radio-Canada. Imaginez, lui, pas chanceux, il peigne la COVID longue. Il a tellement rapetissé qu'on a de la misère à le voir derrière son pupitre, même s'il reste debout sur le siège. Probablement que je recommencerai à écouter les nouvelles à la télé juste pour ça. Sinon, Big Brother célébrité version québécoise qui doit bientôt recommencer ou qui est recommencée, mais imaginez avec juste des nains. Des célébrités québécoises sont coupées du monde et tentent de créer des alliances qui les mèneront jusqu'à la fin du jeu. C'est ça, Big Brother célébrité. Et là, paf! Le COVID entre dans leur maison où ils sont et ça se met à rapetisser. Probablement que les cotes d'écoute seraient aussi bonnes que la petite vie dans le temps. Ça serait tellement comique à écouter. Mais outre ce côté drôle de tout ça, j'avais quand même trouvé un avantage à cet effet de couper de moitié en grandeur. Oui, ça nous mettrait probablement un baume sur les problèmes dans les hôpitaux. Car en ce moment, dans la cinquième vague, le problème c'est qu'on va manquer de lits dans nos hôpitaux. Mais imaginez, avec des nains, c'est réglé, on peut en mettre deux par lit, bout à bout. Aussi, pour la distanciation, ça devient un avantage d'être nain. Par exemple, dans une piscine, c'est plus facile de respecter le 2 mètres entre les nageurs. Vu que quand t'es nain, ben, t'es deux fois plus petit, donc, théoriquement, on peut en mettre deux fois plus dans la piscine. Et imaginez pour la planète l'avantage. Il y aurait une méchante batch de voitures de moins sur la route. Tous ceux qui ont eu la COVID sont plus capables d'atteindre les pédales pour faire avancer le char. Et à la rigueur, ils sont même pas capables d'embarquer dans les gros pick-up F-150. Plus j'y pense, plus je me dis que cette mutation serait un méchant upgrade de la pandémie. Donc, je nous souhaite, bon, avec tout le respect que je peux faire preuve dans cette situation, que cette mutation nous arrive en 2022. La variante Minicron. Bon, De retour à nos sujets de discussion. Je me suis égaré un petit peu. Sujet numéro 3. On pourrait parler de ceci plutôt que de parler de la COVID. Le chapitre 14, section 12-11 du Code pénal américain rend illégal pour les citoyens américains d'avoir tout contact avec des extraterrestres. Quand même, c'est bizarre ce genre de règlement, mais c'est un autre beau sujet, les extraterrestres. Justement, durant la même marche où j'ai songé à la pandémie de nains, je me suis demandé à quoi pourraient bien ressembler les extraterrestres. J'essayais d'imaginer de quoi de vraiment différent. J'en suis venu à l'idée d'un extraterrestre sous la forme d'un arbre, un genre d'organisme qui s'étend à force de croissance et qui a simplement besoin d'eau et d'un bon compost pour grossir. Et là, il est tellement gros sur sa planète qu'il réussit à pousser dans l'espace jusqu'à une autre planète sur laquelle il s'implante aussi, et ainsi de suite. Et là, nous, avec le télescope Hubble, on regarde vers Pluton. Et quoi? On voit que cette planète naine est maintenant recouverte par une grosse structure végétale. Et les branchages continuent à s'éparpiller dans l'espace, dans toutes les directions. Et comme c'est parti, ça va atteindre la Terre dans 20 ans. On fait quoi? Vous ne trouvez pas que c'est un bon sujet à discuter? Ben, je vous le donne. Bon, maintenant, sujet numéro 4. Une fourmi peut traîner jusqu'à 60 fois son propre poids. La question est, et vous? Combien de fois pouvez-vous porter votre propre poids? Bon, ça c'est plutôt le genre de sujet que j'éviterais, car on a tous un genre de mononcle Augustin dans sa famille qui lui va vouloir vous montrer comment il peut soulever. Bon, il va sûrement se blesser en le faisant en plus durant sa démonstration. Donc, bref, pour éviter une catastrophe, moi personnellement, je vais éviter ce sujet. Sujet numéro 5. En 1830, le ketchup était un médicament. Bon, ici, ça semble prometteur comme sujet, mais ça demande des précisions. Je suis allé lire là-dessus pour qu'on ait de quoi à dire. Eh bien, sachez que le ketchup est une des sauces les plus populaires dans le monde. Chaque seconde, 21 bouteilles sont achetées quelque part sur la planète. Mais saviez-vous que ce condiment a été commercialisé comme médicament dans les années 1820? Eh bien, le ketchup a été importé d'Orient par les marins anglais vers la fin du 17e siècle. Il s'agissait à la base d'une sauce qui était réalisée à partir de soja, de saumure et d'huîtres appelées le ketchup, qui était utilisé comme assaisonnement. Les colons anglais l'ont importé chez eux et ont rajouté des champignons et des échalotes pour améliorer son goût. Ce n'est qu'en 1800 que les industriels y ajoutent massivement de la tomate. Par la suite, Henry John Hines, qui a donné son nom à la célèbre marque américaine, ajoute en 1876 du sucre pour adoucir le goût de la sauce et améliorer la conservation du produit. En 1834 aux États-Unis, le docteur John Cook Bennett, président du département de médecine à l'université Willoughby en Ohio, a déclaré que les tomates pouvaient être utilisées pour traiter la diarrhée, la jaunisse et l'indigestion. Il invite alors la population américaine à en consommer davantage et propose des recettes de ketchup à base de tomates. Face à la popularité de la sauce, il décide de concentrer son ketchup sous forme de pilules afin de les vendre comme un médicament dans tout le pays. Son succès a engendré de nombreux imitateurs qui se sont mis à vendre la célèbre sauce comme remède pour les rhumatismes, les maux de tête, la toux, la grippe et à peu près toutes sortes de maladies. Donc, un bon sujet à discuter avec vos amis. Bon, un dernier sujet avant la pause et, bon, on est juste à 6 sur 30. Donc, sujet 6. Jusqu'en 1929, il y avait de la cocaïne dans le Coca-Cola. Et oui, Coca-Cola, parfois abrégé Cola ou Coca dans les pays francophones ou Coke en Amérique du Nord, est une marque nord-américaine de soda de type Cola fabriquée par de Coca-Cola Company. Ce nom provient de deux ingrédients utilisés pour sa composition originelle, la feuille de coca et la noix de cola. Des recherches scientifiques montrent qu'un verre de Coca-Cola en 1886 contenait environ 9 mg de cocaïne. Eh bien, on en apprend des choses ici dans le Lobster. Bon, petite pause musicale, mais avant, un message d'un commanditaire, un message de l'Association québécoise des personnes de petite taille. On les écoute. Oh, Aujourd'hui encore, les personnes en situation de handicap font face à de nombreux préjugés. Parmi elles, les personnes de petite taille subissent un traitement particulier. Regards insistants ou moqueries dans les podcasts font partie de leur quotidien. Comme tous les êtres humains, les personnes atteintes de nanisme méritent le respect. Notre société doit changer son regard sur la différence pour la voir comme une force et non une faiblesse. Apprécions et célébrons la différence. De retour dans ce Lobster 115.0 où on parle en ce moment de divers sujets discutés lors de vos prochains parties. Pour ceux qui se joindraient à nous à ce moment, je vous invite à reculer un petit peu jusqu'au sujet numéro 2 où on a discuté du virus mutagène de la COVID qui transforme les gens en nains. Un sujet gagnant qui mérite d'être discuté dans vos prochains parties. Maintenant, on est rendu au sujet numéro 7. à discuter dans vos parties. Voici le sujet. 3 personnes par an meurent en léchant une pile de 9 volts. Ici, j'ai vérifié, c'est une légende urbaine. Donc, ce qui peut être un bon sujet, ce sont les légendes urbaines. Je vous en nomme quelques-unes pour vous donner un peu de jus. Il y a les piscines à balles pour enfants de McDonald's qui contiendraient des ordures, du vomi, des excréments, des seringues usagées et des serpents venimeux. Une autre, le corps de Walt Disney aurait été cryogénisé et serait stocké sous l'attraction Pirates des Caraïbes à Disneyland. Il y a la pyramide du Louvre qui serait composée de 666 plaques de verre qui est, en le passant, un symbole satanique. Il y a l'archipel des Bermudes qui abriterait un bon nombre de personnalités du spectacle prétendument décédés, mais qui continueraient à y vivre à l'abri de leurs fans. Il y a Elvis, Michael Jackson, la Poune, pour ne nommer que ceux-là qui seraient toujours vivants et habiteraient sur cette île. Malgré que pour la Poune, j'ai des doutes, elle aurait quasiment 120 ans, mais bon. Sujet numéro 8. Ici, c'est particulier. Écoutez bien, c'est un sujet spécial. Au cours d'une journée, notre main entre en contact indirect avec 15 pénis. Bon, 2 choses. Premièrement, en cherchant sur Internet ce sujet, j'ai trouvé où la personne qui a écrit l'article belge sur ses 30 sujets a pris ses idées, car je suis tombé sur le site savoirinutile.com. C'est un site qui propose des idées comme ça, et je retrouve pas mal toutes les choses que je vous ai parlé à date. Donc, si vous voulez creuser le sujet, allez sur le site savoirinutile.com. Deuxièmement, bon, les 15 pénis. J'ai une question assez technique avant qu'on en parle. Est-ce qu'un pénis de nain compte pour un ou une demi dans cette statistique, selon vous? Bon, j'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé la réponse. Donc, si un lobster a cette réponse, ou si Santé Canada nous écoute, Ricardo ou le Dr Arruda, qui sont des gens assez cultivés et ayant sûrement réponse à ça, alors contactez-moi, j'aimerais bien qu'on trouve la réponse à ça, car c'est toujours bien quand on est précis dans ce qu'on dit. Donc, je répète le sujet. Au cours d'une journée, notre main entre en contact indirect avec 15 pénis de taille normale ou 30 pénis de personnes de petite taille habitant la comté. La comté étant bien sûr le célèbre village de Hobbit. Vous le savez. Donc, ici, on parle de contact indirect. Exemple, Augustin, qui ne se lave pas les mains après avoir été à la toilette, revient à son bureau, épluche sa clémentine et vous offre un quartier de clémentine que vous portez à vos lèvres tout heureux de déguster ce bon jus sucré qui se trouve à l'intérieur. Eh bien, sans vraiment le soupçonner, sachez que vos lèvres viennent d'avoir un contact indirect avec le pénis d'Augustin. Donc, c'est quand même un bon sujet quand tu rajoutes la twist du pénis de nain qui, pour des raisons de proportion, ne compte peut-être pas pour un entier, mais plutôt pour une fraction dans cette statistique. Et autre question que je me pose, en lien avec ça, c'est la théorie des 6 degrés de séparation. Bon, vous savez, la théorie des 6 poignées de main, c'est une théorie du Hongrois, j'ai été chercher, qui s'appelle Frigyi Karinti, qui a établi en 1929 que toute personne sur le globe pouvait être liée avec n'importe quel autre par une chaîne de 6 relations d'amitié. Bon, en passant, cette théorie a été mise à jour avec toutes les technologies de l'information maintenant, Internet et autres, on serait plus à 3,5 poignées de main de n'importe qui. Donc, ça nous rapproche pas mal et ça fait beaucoup de pénis qui ont la possibilité de toucher vos lèvres. Donc, c'est pas trop rassurant de savoir que mes lèvres sont à 3,5 contacts du pénis de Donald Trump. Look at those hands. Are they small hands? And he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee. J'aime autant pas y penser. Je crois qu'on va être obligé de faire un interlude pour que je retrouve un petit peu de sanité. On revient. Bienvenue dans l'esprit de votre hôte. Bienvenue dans l'interlude parlé. Pendant que j'écoute cette musique en background pour me stabiliser, laissez-moi vous parler d'une série d'animations que mon frère m'a fait découvrir. Mon frère m'avait parlé il y a quelque temps d'une série d'animations qui était disponible sur le site zone-téléchargement.work. W-O-R-K. La série Cobra, une série d'animes des années 80. Eh bien, sachez que je viens de finir de l'écouter au complet et je peux vous dire maintenant que c'est très bon. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais à ce moment, j'étais juste au début. Et là, j'ai terminé d'écouter les 31 épisodes de 24 minutes. En gros, dans un monde futuriste, un gars, au cours d'une séance de rêve artificiel, retrouve sa mémoire et se rend compte qu'il était et est un célèbre aventurier de l'espace dénommé Cobra. Et il découvre aussi à ce moment que son bras gauche dissimule une arme redoutable, le rayon Delta. Et là, on suit son histoire. C'est comique et l'histoire est pas mal bonne. Il va s'opposer aux pirates de l'espace qui, eux, ont l'objectif de contrôler les planètes habitées. Il y a aussi une histoire de trésor autour de trois jolies filles qui ont chacune une partie de la carte derrière leur dos. Donc, si vous avez la chance, c'est une bonne série à écouter. Moi, j'ai fait de la poterie en l'écoutant. C'est très relaxant. Bon, fin de l'interlude. Un petit sujet avant une pause musicale. Ici, sujet numéro 9, c'est moi qui l'ajoute. Savez-vous qu'un anipabulophile collectionne les nains de jardin? Eh bien, j'amène ce sujet simplement car je pense que ça serait une bonne idée que je fasse des nains de jardin. Je vois mon argile à côté de moi, et bon, je vais prendre une mini-pause, je fais un nain de jardin en argile et je vous reviens pour vous en parler. Donc, après la pause musicale, je vous parle de ma nouvelle passion pour les nains de jardin. Et pour la pause musicale, on écoute de quoi qui se nomme la Tarantella l'arpeggiata. L'autre soir, je disais la roue du temps et en même temps, j'écoute parfois de la musique classique sur ICI Musique Classique. Et j'ai entendu ça, j'ai bien aimé, donc je profite de ce lobster pour vous le partager. On l'écoute. Eternità, e doveva l'eternità. Jardin Bois Joli, on sème et récolte pour vous les plus belles carottes. Que vous en ayez besoin pour vos salades, vos potages ou vos cocktails, les carottes au Jardin Bois Joli restent le choix privilégié des connaisseurs. Toutes les carottes cultivées au Jardin Bois Joli sont garanties sans gluten et biologiques. Ils s'intègrent donc parfaitement à plusieurs régimes d'alimentation. Ils conviennent au lacto-végétarisme, ovo-végétarisme, végétarisme, crudivorisme. Nos serres au Jardin Bois-Joli sont situées à Saint-Lazare où le fumier de cheval est l'un des meilleurs de la Montérégie. Merci de consommer local, merci de manger des carottes au Bois-Joli. Bon, j'ai pris une petite pause et j'ai effectivement fait mon premier nain de jardin en argile. Il est en train de sécher et si je vous le décris, il a environ 10 pouces de haut et ressemble à un nain de jardin. Il a un long chapeau, une face de nain et c'est pas mal ça. Il me reste à le cuire et à le colorer. Je pense que ça pourrait être beau si j'en fais plusieurs et qu'on les cache au travers du vignoble au chalet. Ça va faire une petite décoration au travers des raisins. Bon, maintenant, de retour à nos sujets pouvant être utilisés dans nos parties qui n'existent plus, mais qui, lorsqu'elles reprendront, bien, des sujets qui nous éviteront de jaser de COVID. Le sujet numéro 10. Une baleine éjacule environ 1800 litres de sperme à chaque rapport sexuel. Quand même, hein? J'ai vérifié pour comparer et un homme, c'est 4,5 millilitres. Donc, 4,5 millilitres, sachez que pour nous, c'est l'équivalent d'une cuillère à thé en cuisine. Et pour un nain, c'est probablement la moitié de ça, donc une demi-cuillère à thé. Donc, à côté d'une baleine, on éjacule mini. Mais personnellement, je crois que ce sujet serait vite épuisé en discussion. Je n'aurais pas grand-chose à dire. Je pense que je finirais par parler de l'histoire de Jonas. Est-ce que ça se peut vraiment quelqu'un qui est avalé par une baleine et qui finit par être recraché? J'ai cherché là-dessus et j'ai découvert en premier lieu que Jonas est l'un des personnages de la Bible. Donc, contrairement à la croyance populaire, c'est pas un personnage de Walt Disney. Jonas, il était plutôt un prophète de profession. Il doit, à la demande de Dieu, annoncer aux habitants de la ville de Ninive qu'ils seront punis en raison de leurs nombreux péchés. Jonas, qui est plutôt un poltron, s'enfuit plutôt que de remplir sa mission. Il embarque alors à bord d'un navire. Mais Dieu, furieux, provoque une tempête et Jonas reconnaît que c'est sans doute sa faute. Résultat, les marins le jettent par-dessus bord en espérant calmer Dieu. Et la tempête, évidemment. Mais Jonas tombe dans la gueule d'une baleine. Vivant mais franchement effrayé, il demeure 3 jours à l'intérieur et promet à Dieu de lui obéir s'il se sauve. Dieu aura finalement pitié de lui et Jonas se rendra à Ninive. Donc, c'est un beau sujet de discussion pour votre party. Est-ce que ça se peut vivre dans un estomac de baleine pendant 3 jours? Eh bien, bon, déjà là en partant, il faut savoir c'est combien d'heures. Disons que Jonas est avalé à 11h vendredi soir, donc 1h pour vendredi, 24h pour samedi et une autre heure pour dimanche. Je prends ce délai qui est quand même court, donc 26h dans l'estomac pour dire qu'on a couvert 3 jours. C'est-tu plausible de survivre à l'intérieur d'une baleine? Tout d'abord, bien sachez que de l'air est toujours présent à l'intérieur de l'estomac d'une baleine et la digestion ne débute pas tant que l'animal avalé est vivant. C'est pas moi qui invente ça, c'est des chercheurs scientifiques. Donc, l'expérience de Jonas pourrait donc avoir eu lieu dans des circonstances entièrement conformes aux lois de la nature. Et pour augmenter les chances, ça serait encore plus plausible si Jonas avait été un nain, car il serait plus petit, prendrait moins de place, moins d'air et pourrait même être éjecté par le dessus de la baleine où elle crache l'eau, plutôt que par la bouche. Donc ça serait vraiment plus spectaculaire. Dans la baleine qui crache Jonas, une personne de petite taille à 30 pieds dans les airs et tout est filmé en direct sur Instagram. Donc, ça reste un beau projet de discussion pour animer vos parties. Je vous laisse imaginer le reste. Sujet numéro 11. À travers le monde, 23% des problèmes de photocopieurs, c'est quasiment 1 sur 4, sont causés par des gens qui s'assoient dessus pour se photocopier les fesses. Quand même, mais oui! J'ai vérifié, le poids moyen d'un adulte, c'est 145 livres. Donc, 145 livres assis sur la photocopieuse égale accident. D'un autre côté, le poids moyen d'un nain, j'ai vérifié, 132 livres. J'aurais pensé que c'était pas mal moins. Tu sais, 132 les nains, 145 les adultes humains. Ils sont humains aussi, là, mais en tout cas. En fait, je viens de revalider mon chiffre de 132 sur les nains et ça provenait d'un livre de Donjons Dragons, donc c'est pas trop sérieux ma recherche sur internet. Et j'ai beau chercher le poids moyen d'un nain adulte, je trouve pas. Mais pour être considéré comme un nain, c'est habituellement, médicalement, faut être 20% plus petit qu'une personne normale. Donc j'imagine que pour le poids, ça serait la même chose. Donc autour de 100 livres de poids moyen pour un nain. Donc sur la photocopieuse, ça fait quand même une bonne différence, 100 livres au lieu de 145. Donc par ricochet, j'imagine que dans les milieux de travail où c'est juste des nains, il y a beaucoup moins de bris pour les photocopieuses. Mais non, j'ai pas de statistiques là-dessus, évidemment. Mais j'ai trouvé ceci qui est aucunement lié à mes recherches. On l'écoute. Le nanisme est causé par une variété de facteurs et les animaux peuvent aussi en être atteints. Des millions de personnes dans le monde sont des nains. Dans l'ancienne Égypte, ils étaient célébrés comme des personnes possédant des dons célestes. Il y a beaucoup de talents chez les nains et c'est assez intéressant de voir quel genre de talents se trouvent parmi eux. Ils ne sont pas seulement utilisés pour faire rire comme des clowns, car ils ont plein d'autres talents. Bon, sujet numéro 12. En fait, à partir d'ici, on va y aller en vrac. J'en aurai encore trop, donc je vous en livre une dernière batch en vrac et on clôt ça. Un être humain ne peut pas éternuer les yeux ouverts. Celle-là, eh bien, j'ai déjà hâte d'avoir le goût d'éternuer pour vérifier si c'est vrai. Votre pied a exactement la même longueur que votre avant-bras, du coude au poignet. Bon, j'ai fait le test, pour moi ça marche. Donc, prochaine fois que vous achetez des souliers, plus besoin de se pencher pour vérifier s'ils le font, juste les mettre sur votre avant-bras pour vérifier. Plus de personnes sont tuées par des ânes chaque année que dans des crashs aériens. Ça, je le crois, on est parfois trop insouciant avec les ânes. Je me souviens quand j'étais en Grèce, c'était un voyage où je visitais 3-4 îles. Et arrivé à Santorini, qui est comme une ville près d'un volcan, et située comme sur le dessus du pourtour de ce qui entoure le cratère. Bref, le volcan est dans le milieu, ensuite il y a de l'eau, et ensuite le pourtour rocheux sur lequel est juché juché Santorini. Donc, arrivé à Santorini, j'étais allé visiter le volcan. Donc, je descends en bas, prends le bateau pour aller au volcan qui est dans le milieu. Et au retour, pour remonter, on nous offre, à pied, ce qui va être pénible quand il fait chaud et c'est haut à remonter, ou 5$ pour monter sur un âne. Donc, innocemment, je prends l'âne et on nous lâche comme ça. L'âne, il connaît le chemin, mais l'âne, ça se peut qu'il soit fou. L'âne, il monte, il double un autre âne et la piste est juste de la taille d'un âne. C'était un peu ridicule. Il suffisait d'un mauvais pas de la part de mon âne Fernand et je basculais de 100 mètres dans le vide. Donc, j'ai pas de misère à croire cette affirmation qu'il y a plus de décès par âne que par avion. Donc, c'est un très bon sujet. Et on termine maintenant avec les deux derniers. Dans sa vie, une femme avale en moyenne 3 kg de rouge à lèvres et en Californie, la loi stipule qu'il est illégal de tirer sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf une baleine. Voilà, c'était quand même intéressant cette chronique. Pour moi en tout cas, j'ai bien aimé et je retiens principalement une chose. C'est que de parler de nains me fait toujours rire. Donc le mieux, c'est de m'entourer, je crois, de personnes qui aiment en parler et qui trouvent ça drôle. C'est une méchante morale quand même pour une fin de chronique. Je suis désolé. Maintenant, on écoute Fantastic Baby. J'ai découvert cette chanson par hasard. C'est un peu dans le style de Gangnam Style. Fantastic Baby, 500 millions de vues sur YouTube, donc ça doit être populaire. Le vidéo est très beau. Et les lèvres du chanteur sont à un moment donné dans la vidéo assez spéciale. C'est un peu dans le style de ceux qui se font des motifs sur les ongles. Mais là, c'est sur les lèvres. Je sais pas si c'est une nouvelle mode en Corée qui est juste pas arrivée chez nous. Mais si vous êtes curieux, allez voir leurs lèvres dans la vidéo sur YouTube. C'est aux alentours de 2 minutes 41 du vidéo qu'on les voit. Donc on écoute Fantastic Baby. 여기 붙여라 모두 모여라 We gon' party like 리리리라라라 마음을 열어라 머리를 비워라 불을 지펴라 리리리라라라 정답은 묻지 말고 그대로 받아들여 느낌대로 가 Alright 하늘을 마주하고 두 손을 다 위로 저 위로 날 뛰고 싶어 oh. Wow, fantastic baby. Dance. I wanna dance, dance, dance, dance. Fantastic baby. Dance. I wanna dance, dance, dance, dance. Wow, fantastic baby. 이 난장판에 끝판왕 차례 땅을 흔들고 3분은 엄부충분 I'm great. 분위기는 wire, catch me on fire. 진짜가 나타나. 하나부터 열까지 모든 게 다 한 수위 모래 벌판 위를 미친 듯이 뛰어봐도 거뜬한 우리 하늘은 충분히 너무나 푸르니까 아무것도 묻지 말란 말이야 느끼란 말이야 내가 누군지 네 심장 소리에 맞게 뛰기 시작해 막이 끝날 때까지 yeah. I can't baby don't stop this 오늘은 타락해 미쳐 바라게 가는 거야 Fantastic baby dance I wanna dance, dance, dance, dance Fantastic baby dance I wanna dance, dance, dance, dance wow. Fantastic baby Boom shakalaka Boom shakalaka Boom shakalaka I can't wait, baby, don't stop

s'approche. Qui ça qui se rapproche? L'orage. L'orage? Eh bien, qu'est-ce que ça fout, ça? Ça me fait peur, voilà, j'ai peur de l'orage, vous êtes content? Peur de l'orage? Mais pourquoi faire? Oh, mais ne soyez pas stupide, hein. J'ai peur parce que les dieux sont en colère. Oh non, mais ne racontez pas de conneries, je vous en prie. Il a fait chaud hier, froid aujourd'hui, ça pète, c'est normal, ça. Mais votre oncle Cisténin qui est mort par la foudre alors qu'il venait juste de passer devant un temple, comme par hasard. La foudre est tombée sur le temple et lui s'est ramassé une pierre sur la tronche, c'est pas tout à fait pareil. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change que je vois pas ce que les dieux viennent foutre là-dedans. Avec la vie de dévoyé qu'il avait eue, il avait passé son temps à boire, il a été puni par la foudre. Eh ben, si tous les sujets de Bretagne qui picolent se prennent un coup de tonnerre, il va y avoir une sacrée chute démographique, je vous le dis, moi. J'ai peur, hein, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Eh ben, et moi? Je suis désolée, j'ai été élevée comme ça. La foudre, c'est la colère divine, point. Ah, eh ben, merci. Bonjour, l'éducation. Oh, ça se rapproche encore. Je suis sûre que c'est pour moi. Mais pourquoi pour vous spécialement? On doit être au moins 70 au château. Un pressentiment. Je me suis mal conduite et voilà ce qui m'attend. Brûlée vive par la foudre. Ah non, mais on rêve. Mon oncle Cisténin encore, je veux bien, mais vous, vous picolez pas, que je sache. Mais il n'y a pas que la boisson qui punit. Quoi d'autre? Mais je sais pas, moi. La trahison. Mais qui c'est que vous avez trahi? Mais personne. Et ben alors, voilà, tout va bien. Il y a l'adultère. Vous m'avez trompé? Moi? Non. Comment vous, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Par exemple, en ce moment, vous êtes bien l'amant de la femme du duc d'Armorik, non? Non. Non? Non, je suis désolé, je ne sais pas qui vous raconte ça, mais c'est faux. Des maîtresses, j'en ai assez ici pour pas aller les chercher en Armorik. Oui, enfin bref, avec vous ou pas, cette femme comme elle adultère. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Eh ben, c'est de l'adultère, c'est tout! Alors, les dieux viendraient vous cramer, vous, parce que la duchesse d'Armorik se tape la moitié de la Gaule depuis 15 ans? Mais j'ai peur, je vous dis, oh, je réfléchis pas! Oui, bah, ça se voit. Oh mon dieu, c'est la fin! Oh non, mais c'est pas possible, elle me foutra pas la paix, hein! J'ai peur! Faites quelque chose! Mais faites quelque chose, vous me prenez pour un druide, et que ce soit que j'y fasse, moi, y a de l'orage! Alors, si vous n'y pouvez rien, laissez-moi mourir tranquille! Bon, allez, venez. Quoi? Venez, là. Pourquoi faire? Mais vous verrez bien pourquoi faire, merde, venez. Ah, ça va pas mieux, là? Ben, si. Bon, ben voilà, respirez. J'espère qu'il va pas y avoir trop d'orage cette saison. C'est pas de l'orage, ça? Non. Bah si. Non, non, non, non, c'est... Chut, écoutez. Vous voyez? Eh ben si. Non, c'est... non, c'est pas de l'orage, ça. Ça, c'est du... c'est autre chose, mais c'est pas de l'orage, voilà. Ah bon. Ça va bien maintenant, hein. The